avons fait confiance aux décisions de nos états, aux découvertes de la science, à des gens que l'on ne connaît pas, depuis le temps qu'on nous fait croire que l'on connaît les performances de la nature, de la mémoire, que l'on mesure l'intelligence. Depuis le temps qu'on nous fait vivre dans l'ignorance de nos désirs, dans l'illusion d'un avenir qu'encore une fois on ne connaît pas. Depuis ce temps où le pouvoir est politique ou génétique, qu'il n'y a plus un seul tiroir pour ranger les principes d'éthique. Tac, tic, tac, tic, tac, tic. Depuis ce temps qui est pas si loin, qu'est-ce qu'on attend pour être bien? Chez nos parents ou nos indiens, mais tous ensemble entre êtres humains. Depuis le temps que je répète, depuis le temps à chacun de vous, combien d'enfants s'apprêtent à naître avec un avenir trop court? Depuis le temps que je vous chante ce refrain qui paraît si bête, voyez qu'il est peut-être temps de balancer notre serviette. Le temps d'une civilisation et le temps de ma petite chanson sont identiques. Le temps que le concept de temps fut inventé, que l'on a dit qu'une seconde était égale à 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. N'aurait-on pas, pendant ce temps, pu inventer une mesure, une unité dans le présent pour mesurer notre aventure? N'aurait-on pas, pendant ce temps, pu faire un tout petit détour pour mesurer, tant qu'il est temps, ce qu'il nous reste de l'amour? N'aurait-on pas, pendant ce temps, pu inventer une mesure, une unité dans le présent pour mesurer notre aventure? N'aurait-on pas, pendant ce temps, pu faire un tout petit détour pour mesurer, tant qu'il est temps, ce qu'il nous reste de l'amour?